Léonid Andreïev, c'était. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Chapitre 1. Le riche marchand, Laurent Petrovitch Kochevirov, étant célibataire et n'ayant point de famille, était venu à Moscou pour se soigner d'une maladie. Et comme sa maladie était d'un caractère particulièrement intéressant, les médecins l'avaient admis dans la clinique de l'université. Il avait laissé en bas, chez le portier, sa pelisse et la malle qui contenait ses effets, et dans la chambre du premier étage où on l'avait ensuite conduit, il avait encore dû se débarrasser de ses vêtements et de son linge, qu'on avait remplacé par une robe de chambre grise et du gros linge, où se trouvait marqué à la pierre infernale « Chambre numéro 8 ». On lui avait donné aussi une paire de pantoufles en échange de ses bottes. Mais la chemise qu'on lui avait réservée se trouva être trop étroite pour lui, et l'infirmière fut obligée d'aller lui en chercher une autre. « Dieu, comme vous êtes grand !» dit-elle en sortant de la salle de bain, où avait lieu l'essai des vêtements et du linge. Laurent Petrovitch, à demi nu, attendit patiemment et humblement le retour de l'infirmière. Baissant son énorme tête chauve, il considérait avec curiosité sa forte poitrine, qui pendait en avant comme celle d'une vieille femme, et son ventre que la maladie avait ballonné. À Saratov, où il demeurait, Laurent Petrovitch allait au bain tous les samedis, ce qui lui fournissait l'occasion d'examiner son corps. Mais à présent, ce corps, tout secoué de petits frissons de froid, ce corps jaune et boursouflé, lui apparut sous un aspect nouveau, d'autant plus pitoyable qu'il s'accompagnait encore d'une apparence générale de vigueur et de solidité. Au reste, tout en lui avait changé, dès l'instant où on lui avait retiré son vêtement ordinaire. C'était comme si, dès ce moment, il eût cessé de s'appartenir, prêt à faire tout ce qu'on voudrait bien lui commander. Puis l'infirmière revint avec le linge. Et bien que Laurent Petrovitch conservât encore assez de force pour être capable de faire tomber cette femme en la touchant d'un seul doigt, il se laissa habiller par elle avec une obéissance parfaite. Avec la même obéissance, il attendit, courbé en deux, que l'infirmière eût achevé de nouer le ruban qui fermait le col de la chemise. Après quoi il la suivit de nouveau dans la chambre où il allait désormais demeurer. Et de ses lourdes jambes d'ours, il marchait lentement et timidement, comme un enfant que son père emmène pour le mettre en pénitence. Sa nouvelle chemise lui semblait trop étroite, de même que l'autre. Elle le serrait aux épaules en marchant, et il l'entendait craquer. Mais il n'osait point le dire à l'infirmière, bien que chez lui, à Saratov, il fût accoutumé à faire trembler les 10 commis d'un seul de ses regards. « Tenez, voici votre place, » lui dit l'infirmière en lui désignant un petit lit très haut, auprès duquel se trouvait une petite table. C'était en vérité une bien petite place, et reléguée dans un des coins de la chambre. Mais elle n'en plut que davantage à un homme cruellement fatigué de la vie. Sans bruit, avec des mouvements inquiets et rapides, Laurent Petrovitch ôta sa blouse, ses pantoufles, et se mit au lit. Et dès cet instant, tout ce qui le fâchait et le préoccupait quelques heures auparavant s'effaça de lui, lui devint étranger et indifférent. En une seule image, soudaine et précise, s'évoqua sa mémoire toute sa vie des années précédentes. Il revit la marche impitoyable de sa maladie, minant de jour en jour son énergie physique et morale. Il revit son affreux isolement parmi une foule de cousins avides, dans une atmosphère de mensonges, de haine et de frayeur. Il revit sa fuite, son pénible voyage, son arrivée à Moscou. Puis tout à coup, l'image disparut, lui laissant dans l'âme une souffrance sourde et vague. Laurent Petrovitch cessa de penser. Il jouit doucement de la propreté du lit, de la pureté de l'air dans la chambre. Et il s'endormit d'un profond sommeil, tandis que flottait devant ses yeux encore à demi ouverts un gai rayon de soleil se jouant sur la blancheur du mur en face de son lit. Le lendemain, on plaça au-dessus de la tête de Laurent Petrovitch une planchette de fer noir avec ces mots. Laurent Kochevirov, marchand, 52 ans, entré à la clinique le 25 février. Des planchettes semblables pendaient au lit des deux autres malades qui demeuraient dans la 8e chambre. Sur l'une était écrit « Philippe Speransky, diacre, 52 ans ». Sur l'autre, « Constantin Torbetsky, étudiant, 23 ans ». Les lettres, écrites à la craie, se détachaient nettement sur le fond noir. Et, quand le malade était étendu sur le dos, les yeux fermés, l'inscription blanche continuait à parler de lui, pareille à ces épitaphes qui annoncent qu'en tel lieu, sous la terre grise ou couverte de neige, un être humain se trouve enseveli. C'est encore le lendemain de son arrivée que Laurent Petrovitch fut pesé. Il pesait tout près de 160 livres. L'infirmier lui dit le chiffre de son poids et ajouta avec un sourire entendu. « Savez-vous que vous êtes l'homme le plus lourd de toute la clinique ?» Cet infirmier était un jeune homme qui aimait à parler et à se comporter comme un médecin, estimant que le hasard seul l'avait empêché d'en devenir un véritablement en lui refusant les moyens de faire ses études. Et nous devons ajouter qu'il s'attendait à ce que, en réponse à sa plaisanterie, le malade se mit à sourire, comme souriaient tous les malades, même des plus gravement atteints, aux plaisanteries encourageantes des médecins. Mais Laurent Petrovitch ne sourit pas et ne répondit rien. Ses yeux, profondément creusés, regardaient le mur. Ses épaisses mâchoires, semées d'une barbe rare et grisonnante, se tenaient serrées comme si elles eussent été de fer. Et ce fut pour l'infirmier une déception qui faillit troubler sa bonne humeur pour le reste de la journée. Car depuis longtemps, entre autres études, il s'occupait de physionomie, et, à voir le large crâne chauve du marchand, il avait rangé celui-ci dans la série des « bons garçons », tandis que, à présent, il aurait le rangé dans la série des « mauvais coucheurs ». Du moins, se promit-il d'examiner, dès qu'il le pourrait, l'écriture du nouveau malade, car il se piquait également d'être fort expert en graphologie. Peu de temps après la pesée, Laurent Petrovitch eut à subir l'inspection des médecins. Ils étaient vêtus de blouses blanches qui achevaient de leur donner un aspect sérieux et grave. Et depuis cette première visite, tous les jours ils l'examinèrent une ou deux fois, souvent avec des médecins étrangers qu'ils amenaient pour le voir. Sur l'ordre des médecins, Laurent Petrovitch, humblement, ôtait sa chemise, se couchait sur son lit, bombait son énorme poitrine charnue. Les médecins frappaient sa poitrine avec de petits marteaux, y appliquaient de petites trompettes, et écoutaient, échangeant entre eux des réflexions, ou bien signalant aux étudiants telle ou telle particularité intéressante. Souvent, ils forçaient Laurent Petrovitch à recommencer le récit de sa vie antérieure. Il obéissait en rechignant, mais il obéissait. De ses réponses ressortait qu'il avait beaucoup mangé, beaucoup bu, beaucoup aimé les femmes, beaucoup travaillé. Et à chacun de ces « beaucoup » nouveaux, Laurent Petrovitch se reconnaissait moins dans l'homme dont ses réponses esquissaient l'image. Il était stupéfait de découvrir que c'était vraiment lui, le marchand Kochevirov, qui s'était conduit d'une façon si sotte, si dangereuse pour lui-même. Après les médecins, les étudiants lui tapotaient la poitrine ou y appliquaient leurs oreilles. Souvent aussi, ils venaient le voir en l'absence des médecins. Les uns, d'une voix brève et sèche, d'autres, avec une irrésolution timide, ils l'invitaient à se dévêtir. Et de nouveau recommençait l'examen attentif et minutieux de son corps. En raison de l'intérêt tout particulier que son cas présentait pour eux, il tenait même un journal de sa maladie. Et Laurent Petrovitch, en les voyant toujours occupés à noter par écrit des mots qu'il ne comprenait pas, avait l'impression d'être transporté tout entier sur les pages de leur cahier. De jour en jour, il s'appartenait moins. Du matin au soir, son corps était à la disposition de tout le monde. À heure fixe, il portait lourdement son corps jusqu'à la salle de bain, ou bien l'asseyait à la table où mangeaient ceux des malades qui pouvaient se remuer. Et là encore, souvent, des internes venaient le pincer, le tâter, s'occuper de lui. Le fait est que jamais, dans toute sa vie, on ne s'était autant occupé de lui. Et avec tout cela, il éprouvait, du matin au soir, un sentiment de profonde solitude qui le désespérait. Il n'y avait pas jusqu'au mur de la chambre qui ne lui parussent plus absolument étrangers que ceux des hôtels garnis où il avait demeuré au cours de ses voyages. Ces murs étaient blancs, mais il souffrait de ne pas y voir une seule tache. Ils étaient propres et parfaitement aérés. Mais dans les maisons même les plus propres, l'air a toujours une odeur spéciale, n'appartenant qu'à elle, et correspondant au caractère des personnes qui les habitent. Et la chambre de la clinique n'avait aucune odeur. Médecins et étudiants étaient toujours pleins d'attention et de prévenance pour lui. Il plaisantait avec lui, lui tapait sur l'épaule, le consolait. Mais dès qu'il l'avait quitté, Laurent Petrovitch recommençait aussitôt à songer qu'il était en route pour quelque grand voyage mystérieux et que ses médecins et ses étudiants étaient des conducteurs chargés de l'escorter jusqu'au bout de ce voyage. Ils avaient escorté déjà des milliers de voyageurs de la même façon. Et, sous toutes leurs bonnes paroles, il devinait qu'ils s'inquiétaient surtout de savoir si son billet était bien en règle. Et plus eux et les autres s'occupaient de son corps, plus lui paraissait profonde et terrible la solitude de son âme. « Quel jour reçoit-on les visites ici ?» demanda Laurent Petrovitch à l'infirmière. Il parlait en petites phrases courtes sans regarder ceux à qui il s'adressait. « Le dimanche et le jeudi. Mais en demandant au médecin-chef, on peut aussi recevoir des visites les autres jours, » répondit l'infirmière qui aimait à causer. « Et ne pourrais-je pas obtenir que personne n'eût le droit de venir me voir ?» L'infirmière, étonnée, répondit que la chose était possible. Et cette réponse fit manifestement grand plaisir au malade. Toute cette journée-là, il se sentit un peu plus gai, et bien que son contentement ne le rendît pas plus bavard, c'est de meilleure humeur, et avec plus de complaisance, qu'il écouta ce que lui racontait gaiement, bruyamment, infatigablement, son voisin de lit, le diacre Philippe. Ce diacre venait du gouvernement de Tambov. Il était entré à la clinique 2 jours seulement avant Laurent Petrovitch. Mais déjà, il avait fait connaissance avec tous les habitants des 5 chambres du premier étage. Il était de petite taille et si maigre que, quand il ôtait sa chemise pour la visite, on voyait saillir toutes ses côtes. Son frêle petit corps, blanc et propre, ressemblait au corps d'un enfant de 10 ans. Il avait des cheveux épais, longs, d'un blond grisonnant, et qui frisaient aux extrémités. Son tout petit visage bruni, aux traits réguliers, ressortait comme dans un cadre trop grand. Et c'était même cette analogie de son visage, avec les sombres et sèches figures des vieux portraits, qui avait d'abord amené l'infirmier physionomiste à ranger le diacre dans la catégorie des tempéraments sévères et difficiles à vivre. Mais, dès le premier entretien, il avait dû reconnaître la fausseté de son diagnostic. Le père diacre, comme tout le monde l'appelait, était le meilleur enfant de la terre. Volontiers et avec une franchise parfaite, il parlait à tous de lui-même, de sa famille, de ses connaissances. Et à interroger les autres sur tout cela, il mettait une curiosité si ingénue que tous lui répondaient avec une franchise pareille. Lorsque quelqu'un éternuait, la voix joyeuse du père diacre criait de loin « À vos souhaits, que Dieu vous bénisse !» Personne ne venait le voir, et il était très gravement malade. Mais il ne se sentait nullement seul, s'étant lié non seulement avec tous les malades, mais encore avec leurs visiteurs. Au reste, il ne connaissait pas l'ennui. Plusieurs fois par jour, il souhaitait aux malades une prompte guérison, ou bien portant, il souhaitait l'accomplissement de tous leurs désirs. et il n'y avait personne à qui il ne trouvât quelque chose de bon et d'agréable à dire. Tous les matins, il saluait chacun de ses compagnons en particulier, et quel que fût le temps au dehors, jamais il ne manquait d'affirmer qu'on allait avoir une charmante journée. Il riait constamment d'un rire silencieux et jovial, et il remerciait tout le monde, souvent sans que l'on pût deviner de quoi. C'est ainsi que la première fois, après le goûter, il remercia Laurent Petrovitch de lui avoir tenu compagnie. Et le fait est que, à nous deux, nous venons d'avaler une bonne petite ration de thé, n'est-ce pas, mon petit père ? Dit-il, bien que Laurent Petrovitch prit son thé à part et ne fût point d'humeur à gratifier personne de sa compagnie. Il était très fier de sa dignité de diacre, qu'il n'avait acquise que depuis 3 ans, ayant été jusque-là un simple chantre. Mais il paraissait plus fier encore de la taille exceptionnelle de sa femme. « Ma femme, ah, si vous voyez comme elle est grande !» disait-il orgueilleusement à tous ses interlocuteurs. « Et les enfants, tous comme elle !» Tout ce qu'il voyait dans la clinique, la propreté, l'ordre, la complaisance des médecins, les fleurs dans le corridor, tout l'enthousiasmait. Et tantôt riant, tantôt faisant un signe de croix devant l'image sainte, il s'épanchait de ses sentiments devant le taciturne Laurent Petrovitch. Et quand les mots lui manquaient, il s'écriait « Que Dieu vous bénisse ! Aussi vrai que je vis, que Dieu vous bénisse !» Le troisième habitant de la chambre était un jeune étudiant, brun et barbu, Torbetsky. Celui-là ne se levait presque pas de son lit. Et tous les jours, il recevait la visite d'une grande jeune fille, aux yeux modestement baissés, mais d'ailleurs pleine d'aisance et de légèreté dans ses mouvements. Serrée dans son manteau noir qui lui allait à ravir, elle franchissait rapidement le corridor, s'asseyait près du lit de l'étudiant et y restait jusqu'à 4 heures, où, d'après le règlement, devaient cesser les visites. Parfois, les deux jeunes gens causaient beaucoup et avec animation, en se souriant et à voix basse. Mais par instant, on entendait certains de leurs mots, de ceux, précisément, qu'ils avaient sans doute l'intention de se dire tout bas. « Mon trésor, je t'aime. » Parfois aussi, il y avait entre eux de longs silences, où ils se contentaient de se regarder dans les yeux. Alors le père diacre toussait, et, prenant une mine sérieuse et affairée, sortait de la chambre. Et Laurent Petrovitch, feignant de dormir, voyait, sous ses paupières un peu entr'ouvertes, que les deux jeunes gens se mangeaient de baisers. Aussitôt une souffrance s'allumait en lui. Son cœur se mettait à battre très fort, par saccades. Ses yeux se rouvraient et ses massives mâchoires entraient en mouvement. De l'air le plus indifférent qu'il pouvait, il considérait le mur blanc en face de lui. Mais dans la blancheur même de ce mur, il croyait lire une raillerie qui l'exaspérait.